Les masses médias du monde ont présenté largement la réussite au lancement d'essai de l'engin balistique du sous-marin stratégique en plongée, manifestation de la capacité de frappe nucléaire de la Corée du Sud, effectuée sous la direction du camarade Kim Jong-un. Ce sont les masses médias chinois, cubains, indiens, vietnamiens, iraniens, syriens, indonésiens, cambodgiens, thaïlandais, birmans, éthiopiens, guinéens, égyptiens, uruguayens, brésiliens, vénézuéliens, nigérians, tchèques, allemands et du Congo démocratique, tels que les agences de presse liées à Novosti, Interface, les journaux Kommersant, Moskovsky Komsomolets, Komsomolskaya Pravda, Argumenti i Fakti, Buzglad et Vladivostok, les télévisions Russie 24, RenTV, Zvezda, la radio EO Moscovie, les agences de presse d'internet Gazette.ru, Rosbalt Correspondent, Newsru.com, Legnium et Polymorsky Reporter de Russie. Sous le titre, par exemple, le dirigeant Kim Jong-un déclare la grande réussite au lancement d'essais en plongée de l'engin balistique, ils ont rapporté en détail la nouvelle du récent lancement d'essais coréens avec les photos du maréchal coréen.